tourne dans ma tête. Notre histoire, notre enfance, adolescence et tout ce qui suit, et ça tourne dans ma tête. Un peu comme si on mettait tous nos souvenirs en bouillie, et ça tourne dans ma tête. Notre histoire, notre enfance, adolescence et tout ce qui suit, et ça tourne dans ma tête. Un peu comme si on mettait tous mes souvenirs en bouillie. Sans l'ampleur de la tâche, j'ai le sourire figé. Le jour se lève à peine et je suis déjà plus couché. Plus duré le conflit, glorieux sera le triomphe. Qu'importe notre engagement, lyrique à l'armement. Toi qui nous as quittés, plein d'entrain de vivacité. Un noir ne meurt pas, attentat revendiqué. Courage, persévérance, comme toi toujours clean. Je n'arrête pas la musique comme dans les rues de Brooklyn. Certains sourires dissimulent de gros sabres. Beaucoup d'amants déroutent, trouvent la vie trop maussade. Franchir les fleuves, m'élever pour suivre mon chemin. On en est toujours là, je peux pas me permettre de rester en chien. Anti vos icônes, en silicone, petite conne. Je représente l'hexagone, je te représente l'heptagone. Armé d'un stylo, des voix à nos pros. On a appris l'art de la guerre en rappant jusqu'à l'overdose. Rien de grave dans le game, ça bave comme sur un buvard. On m'a dit c'est bien mon sauce, mais ta sauce est imbuvable. J'hiberne dans la misère, en bas dans la street air. Le sourire est figé comme paysage est en hiver. Ah, figé, j'ai abrigé, ah, masqué les coups malgré les doutes. Ah, figé. Dis-lui bien que ça tombe dessus comme une pluie diluvienne. Dis-lui bien que je suis en deuil avec la pluie du 19e. Le sourire est figé et le cœur vidé. Rose et chrysanthème laisse pourrir les orchidées. Le sourire est figé et le cœur vidé. Rose et chrysanthème laisse pourrir les orchidées. Et ça tourne dans ma tête. Notre histoire, notre enfance, adolescence et tout ce qui suit. Et ça tourne dans ma tête. Un peu comme si on mettait tous nos souvenirs en bouillie. Et ça tourne dans ma tête. Notre histoire, notre enfance, adolescence et tout ce qui suit. Et ça tourne dans ma tête. Un peu comme si on mettait tous mes souvenirs en bouillie. Je ne connais pas les pas qui mènent au banc de vie qui change. Son point de vue de vigoureux à trépas, quelle chance. Jusqu'à ce qu'elle ne soit plus chancelle. Marcher sans elle, comme un oiseau contraint, mille contraints. Marcher sans elle, sans aide. Alors me remémore nos vies, nos joies, nos peines, nos morts. Vos absences ne m'honorent jamais plus que vos présences. Nos morts, hey, ils ne me rappellent que des plaies grandes. Fan à l'appel, RVOBK aujourd'hui répète tous à l'appel. Freestyle, rembobine la bande, cassette. Demain concert à perpète, sans sound check. Mais tu sais que rien nous arrête. Pause pour une pause devant l'objectif cliché. Je te laisse le choix, tuer ou mourir. Ou sourire figé. Je ris, jaune, blanc, vert. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont dans mon verre. Y'a comme un quiproquo entre le bonheur et nous. Comme une barrière qui nous sépare le tout. Mangeur de pierre fréco alias tonton dingo. Issu de la poussière d'étoiles, bravo. Les années sont passées tellement tellement vite. Que dans chaque morceau c'est un peu toi qui ressuscite. Les souvenirs s'entrechoquent au rythme des cuites. Nous retrouver ensemble c'est déjà une vraie réussite. Plus que nous entendre, il faut nous écouter. ATK for life prêche la vérité. Tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. Ça tourne dans ma tête. Ça me laisse un sourire. Si parfois je suis froid, si parfois je suis distant. Une fois trahi par tes proches, tu l'apprends en grandissant. On n'a rien de ce qu'on voit dans les clips. De toute façon, en grandissant, on va pas se plaindre. Nos cadres de vie sont décents, nos rêves partent en fumée. Et nos souvenirs sont des cendres. Je regarde l'actu, je vois des tas de gens se faire descendre. Mais c'est vrai que je garde le sourire, un sourire figé. Je dis aux gens que tout va bien, mais je te promets c'est mitigé en fait. Moins t'as d'argent, plus le système va t'affliger. Dans un monde où constamment les droits de l'homme sont négligés. Parfois on perd le cap, on est tous un peu naufragés. L'espoir passe à la trappe, quand tu deviens plus âgé. J'ai tout donné au rap, mais ma carrière est usagée. Trop tard pour devenir une star, trop tard pour l'envisager. J'ai vu le bonheur de près, j'ai même pu le dévisager. J'ai pas envie de décevoir ceux qui m'ont encouragé. Tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. Tourne dans ma tête. Ça me laisse un sourire. Et ça tourne dans ma tête. Notre histoire, notre enfance, adolescence et tout ce qui suit. Et ça tourne dans ma tête. Un peu comme si on mettait tous nos souvenirs en bouillie. Et ça tourne dans ma tête. Notre histoire, notre enfance, adolescence et tout ce qui suit. Et ça tourne dans ma tête. Un peu comme si on...